Énergie. Vous le savez, les programmes sont désormais à la radio, à la télévision et un peu partout dans le monde particulièrement bousculés. Occasion pour nous d'aller chercher dans les archives, dans les nombreuses archives d'Histoire vivante, quelques éléments pour alimenter notre réflexion avec l'actualité du moment, en l'occurrence les épidémies et les pandémies. Quant à nous aujourd'hui, suite de l'épisode intitulé « Monsieur le cinquième ». Les scientifiques de l'OMS sont perplexes. Il est difficile de dire maintenant comment la maladie va évoluer. La grippe aviaire en Turquie, 9 personnes contaminées, 3 en sont mortes. Détecter d'éventuels signes de mutation du virus. Alors comment la situation va-t-elle évoluer? À vrai dire, on n'en sait rien. La grippe ne se propage pas en une seule grande vague épidémique. Il ne s'agit pas d'un grand tsunami. Elle se propage en plusieurs vagues, comme cela a toujours été le cas. Cette semaine, pandémie et maladies négligées. Grippe, malaria et paludisme, de Pasteur à Bill Gates. Pour combattre la maladie, il fallait d'une part non seulement tuer les rats, dératiser, mais il fallait également désinsectiser pour tuer les puces, afin de rompre cette chaîne épidémique. Un grand pas dans la lutte contre le sida. Le virus de la polio s'accroche encore dans une trentaine de pays dans le monde. Généralement, quand un virus revient, il est alors plus sévère qu'initialement, car il veut survivre. Début juillet 1897, Alexandre Yersin quitte Bombay et le docteur Simon pour regagner Nanchang. La bataille n'est pas encore terminée. Il intensifie la production du sérum de la peste. Et dans quelles conditions? En guise de laboratoire, un petit local en matériaux légers, détruit sur un tiers lors d'une première tempête, anéanti dans une seconde. L'institut sera reconstruit, mais cette fois loin de la mer. Le 23 juin 1998, la peste éclate à Kon, un petit hameau tout proche de Nanchang. Le fléau est arrivé de Chine, de Canton précisément. Ce sont les commerçants chinois à bord de leur jonque. Il faudra une année pour éradiquer le mal. Un mal aux mille formes. Ce n'est plus une seule et unique maladie, mais un mal développant quantité de symptômes. Yersin découvre une peste bubonique, une peste pulmonaire, une peste foudroyante. Au fil des ans, il adapte le sérum pour chaque forme de la maladie. Les humains ne sont pas seuls touchés. La maladie fait des ravages auprès des bovins. Une question de survie. Le Vietnam est essentiellement agricole. Il faut protéger les buffles, les bœufs et les chevaux. L'Institut se spécialise peu à peu dans les pathologies animales. Juste répartition avec l'Institut Pasteur de Saïgon, spécialisé dans les pathologies humaines. En ce début de siècle, les apports d'Alexandre Yersin dans le domaine de l'élevage, de la science vétérinaire, permettent de solides avancées. L'Institut Pasteur de Nanchang devient un véritable temple pour les vétérinaires vietnamiens. Letty Kim Thuyen, biologiste à l'Institut Pasteur. Alexandre Yersin a essayé de faire de l'élevage. Il a ordonné de faire des croisements entre des taureaux de Bretagne et des vaches vietnamiennes. En outre, Alexandre Yersin a permis d'améliorer d'autres races en élevage, telles que la chèvre, les moutons, le coq. Enfin, ces mestissages d'animaux importés de France, qui étaient déjà d'excellente qualité, avec des animaux locaux, ont permis vraiment l'obtention d'hybrides de très haute qualité. Alexandre Yersin suit la philosophie pasteurienne. Le personnel scientifique doit être déchargé de toute préoccupation étrangère à la recherche scientifique, sans se soucier de leur rentabilité économique. L'Institut est en autofinancement. Hormis les 5000 piastres versés par le gouverneur d'Indochine lors de la fondation, il est en totale indépendance. Comment ? De la façon la plus élémentaire. Dans les premiers temps, Yersin fait vivre l'Institut avec son propre salaire. Salaire qu'il perçoit des corps de santé des colonies et du protectorat, plus quelques primes, et l'aide financière de ses amis médecins, Roux et Calmette. La petite entreprise a du succès. Yersin cherche de nouveaux financements. Letty Kim Thuyen, biologiste à l'Institut Pasteur. Le succès d'acclimatation de plusieurs espèces dans les élevages vietnamiens lui ont permis de pouvoir commencer à avoir un premier soutien financier pour ses recherches. Mais ce n'était pas suffisant. Il a dû continuer à chercher de l'argent et, entre autres, il s'est tourné vers l'agronomie tropicale. Lê Quang Giao, professeur d'histoire-géographie à Nha Trang. Et après, il s'est aperçu qu'il y a encore de l'espace pour avoir du crédit, pour se suffire à la plantation. Et compte acclimater beaucoup d'arbres d'Europe, de tous les pays. Certains arbres ne poussent pas. Alors après, il a pu choisir l'arbre à Evia. Voilà. C'était en 1897. Il a semé 2000 graines importées d'Indonésie. Alors, l'arbre pousse bien. Premier arbre à caoutchouc du Vietnam, importé en fraude en Asie du Sud-Est au XVIIIe siècle. L'économie coloniale brésilienne, qui en avait l'exclusivité, en fera les frais. L'EVA, nommé par les Indiens caoutchouc, l'arbre qui pleure. Philippe Buchy, conseiller scientifique à l'Institut Pasteur de Nha Trang. Nous sommes là dans la plantation d'EVA que Yersin avait mis en place au début des années 1900 grâce à une donation de terrain qui lui a été faite par le résident. Et c'était une excellente idée parce que cette plantation d'EVA a permis à Yersin de vendre son latex à la société Michelin au début de l'industrie automobile et ainsi de pouvoir subventionner ses recherches, de construire des laboratoires, de faire ses expériences. Et là, nous avons un magnifique, très vieil EVA. Lê Quang Giao, professeur d'histoire-géographie à Nha Trang. La deuxième plante acclimatée à l'Indochine, c'est l'arbre à Kankina. Il a pensé, si en de ces jours, le Vietnam, l'Indochine sera bloquée, il y a un blocus, alors comment sauver ces pauvres malades de paludisme? Elle a importé également les plantes. Et comme ces plantes s'acclimatent seulement en altitude, c'est à Honba qui compte les faire. Les premières années, l'arbre à Kankina poussait bien. Mais regrettablement, après 3 ans, ces arbres, ces premiers arbres, dépérissent. Alors il a fait, comment? C'est un virus, non? Il a découvert que la couche des muscles à Honba est trop mince. Il doit déplanter quelques arbres pour les replanter à Jiri, dans le plateau de l'Ambian. Et ça pousse bien. C'était en 1917, lors de la Seconde Guerre mondiale, il a pu récolter quelques tonnes de quinine extraites de ces arbres pour sauver les paludiennes. Docteur Hieu Shang-Ku, chirurgien dentiste. Les choses se sont passées telles qu'avait prévu le docteur Yersin. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le passage pour le transport maritime étant coupé entre la France et l'Indochine, les médicaments tels que la quinine n'arrivaient plus en Indochine. Aussi, on utilisa l'écorce d'arbres à Kankina, de Derak, pour fabriquer la quinine sur place, afin de guérir les gens de la malaria. Médecin humaniste, chercheur également pédagogue, formateur. Yersin comprend qu'il faut former une élite locale de médecins. Un projet est dans l'air. La fondation d'un établissement d'enseignement médical en Indochine. À 39 ans, Yersin est choisi par Paul Doumer, le gouverneur général. La première pierre de l'école est posée au village de Thaï A. Yersin cumule bientôt les fonctions de directeur de l'Institut Pasteur de Nachang et de directeur de l'école de médecine de Hanoï, lieu de recherche et d'enseignement. Pour lui, l'école ne saurait être qu'une simple faculté de médecine. La culture générale doit y être transmise. Cours de français, cours d'histoire, cours de géographie, de physique ou encore de chimie en parallèle aux études de médecine. Pour Yersin, on ne peut devenir un savant spécialisé détaché des valeurs humanistes. Professeur Pam Kaidja, universitaire, directeur de l'Institut de cardiologie d'Hanoï. Yersin était un humaniste et un encyclopédiste. Il voulait que les gens soient formés de cette façon, c'est-à-dire un homme formé en tant que tel, un médecin qui soit un vrai médecin, qui voit les gens dans leur ensemble, pas en fraction comme ça. Donc il voulait que le médecin vietnamien soit formé comme un vrai médecin, humaniste, avec toutes les sciences médicales et fondamentales nécessaires et humaines nécessaires pour la formation d'un bon médecin, d'un humaniste. Mais il ne pouvait pas, à cause des circonstances, il ne pouvait pas. Les circonstances, le remplacement de Paul Doumer par Paul Beau au poste de gouverneur général d'Indochine. Et très vite, une hostilité affichée à l'égard de l'esprit même de l'Institut Pasteur. 5 novembre 1902. Avec les idées du gouvernement actuel, il n'y a rien à espérer pour l'avenir des élèves qui sortiront de notre école. Avec les choix qu'on lui impose dans l'enseignement, l'école ne produira que des infirmiers. Alexandre Yersin démissionne. Professeur Pam Kaidja. Après le départ d'Alexandre Yersin, à ma connaissance, la faculté mixte de médecine et de pharmacie d'Hanoï ne formait que des gens plutôt taillés pour une certaine profession, stéréotypés plutôt, oui. Je ne dis pas que ce soit mauvais par rapport à ce qui n'existait pas avant. Mais pour former un médecin, il faudrait former quelqu'un qui soit universel, qui connaisse un peu la vie sociale, la philosophie. Parce que tous les ajustements humains doivent avoir une orientation, doivent avoir une philosophie. Les gens ne sont pas des robots. Mais paraît-il, parce que je n'étais pas né dans le temps, pas encore, mais un bon médecin ne peut l'être que s'il est bien formé. Pas seulement médecin avec toutes les techniques dites de pointe. Parce que la technique de pointe est celle qui vieillit le plus vite. Mais c'est quelqu'un qui possède quelque chose dans la tête et dans le cœur. C'est dans cet esprit-là que Yersin aurait voulu que le médecin vietnamien soit formé. Mais il n'a jamais réussi à convaincre les gens qui dirigeaient dans l'époque. À ma connaissance, il aurait présenté sa démission doucement. Il n'est pas sorti en claquant la porte en tant qu'intellectuel. Il ne claque pas la porte. Mais par son geste, par son attitude, on a pu comprendre que Yersin était mécontent. Voilà. Et personnellement, j'approuve sa conduite en tant que maître que j'ai jamais connu et mais que j'admire. 1904, retour à Nanchang. Yersin cumule désormais les postes de directeur des instituts Pasteur de Saïgon et de Nanchang. Il se développe progressivement tout en étant rattaché à l'Institut Pasteur de Paris, dont il est mandataire. Dang An Trai, élève puis collaborateur d'Alexandre Yersin. Une fois, j'ai passé chez lui, il est toujours au véranda, en me regardant, je ne sais pas pourquoi. Une fois, je suis passé devant chez lui, il était sous la véranda, il me regardait, je ne sais pas pourquoi. J'avais 10 ans, et je commençais à parler en français. Et une fois, je lui ai demandé en français à visiter sa maison. Il a refusé de me répondre, en me regardant seulement. Et j'ai dû sortir de sa maison. Une fois, j'ai rencontré un camarade qui m'a dit « Il ne faut pas parler en français avec le docteur Yersin, il faut parler en vietnamien. » Lee Kuan Jiao, professeur d'histoire-géographie à Nanchang. Il faisait le trop avec les compagnons. Là, de village en village des minorités ethniques, ils donnent des étoffes et ils louent les éléphants. Voilà. Chan Kuan Sang, petit-fils adoptif d'Alexandre Yersin. Je ne sais pas comment décrire son attachement pour les habitants du village de Kon. Il disait qu'ils étaient ses amis les pêcheurs. Mais même la police ne pouvait accéder dans ses quartiers. Lee Kuan Jiao, professeur d'histoire-géographie à Nanchang. Quelquefois, dans certains villages, il y a des querelles entre certaines minorités. C'est lui qui arrangeait ces querelles. Alors on devient pacifique. On va dire qu'il parle quelques mots des minorités ethniques. Annick Perrault, conservatrice du musée Pasteur à Paris. Alexandre Yersin était un intellectuel. Il a dû travailler avec des pêcheurs, des gens qui n'avaient pas sa formation, des gens simples du peuple. Il les a fait travailler et avec eux, il a réussi à réaliser son rêve. Cha Kuan Seng, petit-fils adoptif d'Alexandre Yersin. Au lieu de recruter quelqu'un du dehors à qui il ne pourrait pas faire confiance, il demanda à mon frère et moi de nettoyer son bureau chaque jour. Ensuite, nous pouvions prendre le petit déjeuner qu'il nous préparait avant d'aller à l'école. Il nous a aidés, en fait, parce que nos salaires à tous les deux étaient de 20 dong indochinois, alors que celui de mon père était de 27 dong. Une galeriste à Saïgon. Il y a des vieilles dames qui vendaient maintenant des petites choses dans les rues. Bon, quand je demande « Est-ce que vous connaissez Yersin ?» Elle a dit « Oui, je connaissais bien Onam. » C'est le nom qu'il lui donne. Onam, c'est monsieur de 5e. Parce que, vous savez, il est dans l'armée, il a 5 galons, je ne sais pas quoi. On l'appelle monsieur de 5e. Et ces gens-là ont parlé que quand mon mari et les voisins boivent trop, le monsieur de 5e, il a pris un appareil de caméra, il a filmé ces gens, et le soir, en se groupant devant sa villa, il a projeté sur l'écran les scènes de beuverie de ces gens. Et les gens se disent, ah, est-ce que j'étais moche, est-ce que c'est pas bien, etc. C'est une sorte d'éducation qui va droit au cœur des paysans. Ça, c'est un trait de lui, c'est-à-dire qu'il est très proche du Vietnam. Chan Kuan Sang, petit-fils adoptif d'Alexandre Yersin. Quand il avait du temps libre avec mon père, il allait filmer la vie au village de Kon. Le travail à la mer. Puis, il envoyait la pellicule en France pour le développement. Et lorsque le film lui était renvoyé, Il allait le montrer aux habitants. Il se comportait avec tout le monde de la même façon, ne faisant pas de distinction entre grands ou petits, grands de ce monde ou petits de ce monde, enfants ou adultes. Je crois que chaque chose a deux faces. Une galeriste à Saïgon. Donc la population n'est pas ingrate, et elle garde le souvenir de ces personnes-là. Donc à Hanoï, à Saïgon, à Nha Trang, à Dalat, il y a toujours la rue Yersin, qui est réservée dans une des plus belles rues de la ville. Chan Quan Sang, petit-fils adoptif d'Alexandre Yersin. Je dois beaucoup de respect à M. Yersin et je lui voue un véritable culte. Car dans ma famille, nous pensons que même s'il n'a pas eu d'enfant, il a élevé mon père et en a fait un homme accompli. Il restera dans ma mémoire à jamais. Chère maman, tu me demandes si je prends goût à la pratique médicale. Oui et non. J'ai beaucoup de plaisir à soigner ceux qui viennent me demander conseil. Mais je ne voudrais pas faire de la médecine un métier. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais demander à un malade de me payer pour des soins que j'aurais pu lui donner. Je considère la médecine comme un sacerdoce, ainsi que le pastorat. Demander de l'argent pour soigner un malade, c'est un peu lui dire la bourse ou la vie. Voilà des idées qui ne sont pas, je le sais, partagées par tous mes confrères. Mais enfin, ce sont les miennes. Et je crois que j'aurais bien de la peine à les abandonner. Notre épisode, en nouvelle diffusion, était intitulé « Monsieur le cinquième », une réalisation, une mise en onde signée Isabelle Barthes. Comme hier, nous vous l'avons annoncé, il y a quelques bouleversements dans la programmation, ce qui nous a amené à rediffuser ces anciens épisodes, diffusés initialement sur une longueur d'une heure et aujourd'hui reconfigurés pour le nouveau minutage de l'émission d'Histoire Vivante sur les 30 minutes. En complément d'épisode, nous allons donc revenir sur le documentaire diffusé à l'époque par Histoire Vivante, documentaire réalisé à l'époque par Christophe Weber, intitulé « La Grande Tueuse » et portant sur la grippe espagnole. Tout de suite, de nouveaux extraits. L'assaut est passé. Le Boche décampe. Faut le poursuivre. Le finir. Au poignard de tranchée. Voilà. Le Boche est crevé. Le poilu n'aura pas le temps d'en être fier. Ou d'avoir des états d'âme. Sa petite victoire est celle d'un malade, celle d'un mort en sursis. Il abrite un tueur, un des plus dangereux que l'humanité ait jamais connu. Un virus. Un film de famille immuable. Depuis des décennies, Louis et son fils François marquent l'arrêt devant le monument aux morts. Un regard vers le nom du grand-père de François qui figurent comme ceux des 83 autres hommes de la commune morts pendant la guerre de 14-18. Le village a payé le prix du sang. Et puis, il y a l'autre visite, tout aussi obligatoire. Ici repose Narcisse. Lui aussi était soldat, mort en septembre 1918. L'autre grand-père de François, fauché par la grippe espagnole, comme d'autres, peut-être beaucoup d'autres habitants. Le village a aussi payé le prix de la maladie. 14 octobre 1918, je vois que le pays est pris par la grippe. La semaine dernière, la gorge me piquait un matin, mais ça n'a pas eu de suite. Un léger rhume de cerveau, c'est tout. Mais on va chez un bistrot où ils ont été tous atteints. C'est aussi. 22 octobre 18, ma chère Jeanne, j'ai reçu hier ta lettre. L'épidémie se continue assez forte, surtout dans les villes, et principalement plus sérieuse pour les jeunesses. Mais il faut mieux se soigner que de badiner avec ça. Je me souviens, étant enfant, entendre parler de grippe espagnole, de comme quoi mon grand-père était décédé d'une grippe espagnole. Moi, enfant, évidemment, la grippe, c'était un rhume, c'était quelques jours de vacances sous un édredon. Je ne voyais pas pourquoi mon grand-père, alors qu'il était, on me parlait en même temps de guerre, je ne voyais pas pourquoi il était mort de la grippe alors qu'il était soldat. Il aurait dû au moins mourir au front comme mon autre grand-père. Il était mort de la grippe. Et pourquoi espagnol ? Autre chose faisait que c'était pour moi un mystère, c'est qu'en même temps, quand nous allions sur sa tombe, on me parlait de ce fameux cercueil plombé. Ton grand-père est là. Il est mort de la grippe espagnole et il est dans un cercueil plombé. Ce n'est pas que le corps de Narcisse qui repose dans un cercueil plombé, mais toute une histoire aux allures de cauchemar. Un cauchemar qui prend l'aspect de faits plus ou moins établis. En 1918, l'humanité entière est attrapée au col par la grippe. Une pandémie qui, selon les estimations les plus récentes, aurait touché tous les pays, contaminé la moitié de la population mondiale. Pratiquement 1 milliard d'habitants auraient été atteints. 50 à 100 millions de personnes en seraient mortes. 50 à 100 millions de morts. C'est une statistique. Si une personne meurt, c'est une tragédie. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.